Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. Étrange période que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans un entre-deux électoral, encore sur la lancée du 6 mai, mais il ne reste déjà plus que deux petites semaines avant le premier tour des législatives. C'est dire qu'à moins d'un événement extraordinaire, toujours possible bien sûr, il sera très difficile pour l'opposition d'inverser la vapeur. Mais au-delà du rapport de force politique, nous assistons aussi à l'émergence d'un phénomène curieux. Un président confortablement élu, Nicolas Sarkozy, qui pratique l'ouverture prônée par ses adversaires d'hier, qui mène ses affaires au pas de charge, sans laisser de répit ni à ses fidèles partisans, ni à une opposition assommée par trois défaites consécutives. Assiste-t-on ainsi à une nouvelle manière de faire de la politique? Est-ce que la rupture tant invoquée ne serait pas en train d'advenir sans que personne n'y prenne vraiment garde? Ou bien faut-il considérer que tout cela n'est que de l'affichage politique sans grand lendemain, mais au risque de décevoir les grands espoirs placés par une majorité de Français dans ce changement? Pour en parler, mais aussi de bien d'autres choses, notre invité ce soir, Olivier Abel, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie éthique à la Faculté libre de théologie protestante de Paris. Et puis toujours avec moi pour vous interroger, Jean-Luc Mouton de l'hebdomadaire Réforme et Jean-François Colosimo, théologien orthodoxe et essayiste qui représente aussi le site orthodoxie.com. Bonsoir à tous les deux. Pour commencer, Olivier Abel, l'actualité, eh bien, c'est peut-être la refondation de la gauche qui est en jeu, en tout cas peut-être après les législatives, mais déjà François Hollande affirme qu'il ne se représentera pas à la tête du Parti Socialiste. Et puis des interrogation aussi sur les raisons de cette défaite de la gauche, avec une déclaration de Pascal Bruckner sur laquelle j'aimerais bien vous faire réagir. Le conservatisme est désormais à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est tout à fait le constat que l'on peut faire. C'est-à-dire que la gauche est effrayée des transformations massives du monde contemporain, et actuellement elle est le camp de la conservation du statu quo. Alors pour le meilleur, mais aussi pour le pire, parce que c'est un camp, on pourrait dire, immobilisé, parce qu'il est un camp qui freine. Mais d'une certaine manière, ce conflit entre les forces du statu quo et les forces de transformation du monde, c'était aussi d'ailleurs le conflit entre les démocraties et le totalitarisme. Je ne veux pas du tout dire que c'est la même chose, mais c'était aussi le conflit au moment du fascisme. Il y avait des forces qui voulaient transformer, qui voulaient changer le monde, et puis il y avait des forces qui étaient campées sur la conservation des acquis, et qui justement ont eu beaucoup de mal à résister à ces... Il faut remettre ça sur une évolution beaucoup plus ancienne. Je pense que ça fait longtemps que la démocratie, que les forces de la conservation, en fait, aussi, elles changent sans arrêt de camp. Elles sont pas, la droite n'a pas été toujours conservatrice. Elle était parfois très profondément transformatrice. Parfois, c'était la gauche qui était profondément transformatrice. Ça a été un petit peu occulté par, je dirais, une espèce de grand mythe du progrès. Alors, on est progressiste, on est pas, et là, aujourd'hui, c'est un mot valise qui ne veut plus rien dire, qui ne tient plus la route dans la situation contemporaine, certainement. Donc, le débat est vraiment ouvert sur qu'est-ce qu'il faut conserver et qu'est-ce qu'il faut changer. Jean-François Colosimo. Vous dites que, Olivier Abel, que le progressisme ne tient plus la route. Mais non, on dirait justement, parce qu'à Bruckner, on fait le héros pour la droite, que là, c'est la droite qui est devenue d'un coup progressiste, ce qui semble être, je dirais, à l'opposé radical de son ADN, quoi, en quelque sorte. Le parti du bougisme, la rupture, le mouvement, d'un coup, c'est à droite. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Que la gauche soit conservatrice, d'accord, mais alors que la droite soit progressiste, où va-t-on? Oui, mais peut-être quand même, c'est vrai que la France avait sans doute des blocages, des espèces de corporatisme, des intérêts acquis, alors je dirais par caste, là, il y a sans doute le sentiment profond que ça doit changer. Ça correspond, je pense, à ce sentiment-là. Je crois que c'est ça. On veut bouger quelque chose. On ne peut pas rester bloqué comme ça. Et il vaut mieux ça plutôt que continuer encore 5 ans, on pourrait dire, de société bloquée qui ne bouge pas, alors dans un monde qui bouge à toute vitesse. Donc c'est quand même peut-être catastrophique. Je pense que c'est ce raisonnement-là qu'ont fait beaucoup d'intellectuels, sans doute, j'imagine. Alors, dans le mouvement, justement, de Nicolas Sarkozy, impulsé par Nicolas Sarkozy, il y a cette ouverture au centre et même à gauche dans son gouvernement. Quand on a fait une campagne bien ancrée à droite, je crois qu'on peut le dire, comment ça vous fait réagir ? Ben, je pense qu'il cherche à donner confiance. Il cherche à donner confiance largement à l'ensemble du pays. Ce n'est pas purement électoraliste. Non, ça, je crois qu'il faut prendre ça aussi au sérieux. Il faut faire crédit à cela. Et je pense que, je dirais la chose suivante, on est quand même dans un monde où tout est très très vulnérable, où les États sont très vulnérables, où nos institutions sont très vulnérables. Et tout ça ne tient que par la confiance, que par c'est fiduciaire, c'est parce qu'on y croit que ça marche, sinon ça, tout s'écroule. Et on est vraiment au bord, sur certains grands registres de notre vie collective, de cette justement de rupture de confiance. Donc tout ce qui peut aujourd'hui donner le sentiment que allons-y, essayons vraiment, ayons confiance, mettons de la confiance, je crois que ça, il faut l'encourager. Je veux dire, moi, mon premier mot, ce serait pour dire, bon, alors, si ça suscite de la confiance, ça cherche à entraîner de la confiance, il faut faire crédit à ça. Et on ne peut pas non plus, je dirais, politiquement, être tout le temps dans le soupçon, etc. Ce qui m'inquiéterait, ce serait que cette tendance très typique de la société française à avoir un grand moment d'enthousiasme, comme au moment du mondial de football, et que après, dans un an, dans deux ans, on se retrouve avec une grogne et une hargne, ou je sais pas comment dire, épouvantable, dans laquelle on ne pourrait plus rien faire. Une société qui est trop gouvernable, trop liée à la volonté du despote du moment, ça peut être Mitterrand, et puis là maintenant ce serait Sarkozy, et puis après, complètement, je dirais, rétive à tout changement, à toute modification, ingouvernable. Ça m'inquiète, et cette tendance-là de la société française, celle-là, il faut qu'on en soit bien averti, il faut qu'on travaille contre ça. Jean-François Colosimo. Oui, Olivia Bell, le Nouvel Observateur, excusez-moi, cette semaine, me pose la question de manière un peu plus brutale, quand même. Il met la photo de Kouchner, il demande pionnier ou félon, n'est-ce pas? Alors, vous répondez quoi? Ben, moi, je ne l'aurais pas fait. Je le dis comme ça, mais on ne m'a jamais demandé. Mais je pense que... Vous ne seriez pas allé au gouvernement. Pourquoi? Simplement parce que je pense que c'est important aussi qu'il y ait, pour des raisons justement de partage presque, de théâtre, partage des rôles, qu'il y ait des rôles... on pourrait dire fortement on accepte son rôle, on sait qu'on pourrait tenir d'autres rôles, mais on accepte son rôle dans la société, je trouve. Oui, c'est ça, on est une figure, on a une histoire, on accepte d'avoir une figure, une histoire, tout en ayant de la bienveillance pour le fait qu'il y ait d'autres figures, d'autres gens, etc. Et je pense qu'on peut rompre, la fidélité peut, pour être fidèle, il y a des moments où on peut rompre, il y a des moments où on peut trahir la fidélité. J'ai De Gaulle l'a fait. J'ai dit, à des moments où il faut rompre. La trahison fait partie de la politique de manière forte. Mais je pense qu'il faut que ce soit à des moments très forts. Il ne faut pas galvauder. Il ne faut pas que tout soit tellement flexible, que n'importe qui, que tout soit équivalent, que tout change comme ça. Donc je ne dis pas... Félon. Non, mais je ne dirais pas que c'est le cas de Kouchner au sens où je ne connais pas assez. Je ne suis pas assez impliqué dans les politiques, dans son parcours. Lui-même a un parcours tout le temps un peu atypique. Il a un parcours très perso. Si je peux dire. Aussi, c'est ça qui est en train d'arriver en ce moment. C'est une nouvelle génération de... Alors, Kouchner est vraiment de très loin des plus vieux, mais justement, c'est une génération de gens qui jouent très perso. C'est des individus qui... On est dans une nouvelle société, on n'est plus dans une société de groupe, de collectif, d'appartenance. On est dans une société de parcours individuel. Et c'est aussi le paradigme. J'ai Sarkozy, il ne boit pas de vin. C'est un président de la République française qui ne boit pas de vin, c'est quand même quelque chose d'étonnant, enfin, si j'ai bien compris, hein, c'est juste tout le monde. Il n'a pas d'attache en province, c'est un peu. Il est hongrois d'origine. Mais c'est vraiment voilà. Oui, tout ça. Oui. Non, c'est vrai que c'est intéressant, mais justement, on parlait d'idéologie, du progressisme, de la droite, de la gauche. Mais est-ce que justement, ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce que c'est pas ça qui se passe? Est-ce que c'est pas un assemblage de gens qui ont des projets, des profils individuels, est-ce qu'ils ne travaillent pas seulement tous pour eux? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est une espèce d'atomisation du combat politique. Est-ce qu'au fond, Sarkozy, il a un vrai projet, il a une vraie idéologie, ou est-ce qu'il veut juste le pouvoir pour le pouvoir? Ah non, je crois qu'il y a vraiment un projet. Et quel projet? Est-ce qu'on peut le définir? Bon, il s'est positionné libéral, puis il a pris un peu les habits du gaulliste, puis il a pris des habits autoritaires, puis maintenant il prend des habits d'ouverture. Est-ce que c'est pas au fond la seule ligne, c'est le pouvoir pour le pouvoir? Est-ce que c'est pas ça qu'on peut dire? Non, moi je crois que quand même, justement, sa force, c'est de... D'abord, il y a son projet, c'est lié à l'optimisme libéral. C'est de penser que si chacun fait le mieux pour lui, c'est aussi bon pour tout le monde. Ça, c'est le cœur de son projet. C'est un projet libéral. Oui, la valeur du travail, le mérite, les récompenses. Voilà, c'est ça. C'est quand même toute une presque, je dirais presque une théologie politique. Oui, est-ce que c'est protestant, ça? Est-ce que ça ressemble à quelque chose qui est protestant? Pas du tout. Très, mais tu sais, vous savez ce qui est protestant, c'est pas très... Non, mais c'est un peu anglo-saxon, donc on dit. idéologie un peu anglo-saxonne. Comme il aussi, si on permet. Aujourd'hui, on va revenir à ce que disait Isabelle. Jean-François, Jean-Luc Mouton, si on me permet. Au fond, le projet de Sarkozy, c'est d'en finir avec la structure gaulo-communiste de la France. Hérité de Vichy. Mm-hmm. Hein, c'est en rebond de Vichy, mais malgré tout, hérité de Vichy aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire, au fond, cette France qui donnerait des leçons au monde et qui n'en prendrait pas, quoi. Mm-hmm. Hein, vous êtes, est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça? Oui, tout à fait, on peut dire ça. Et moi, je pense que vraiment, il y a une vraie... quelque chose de vraiment libéral qui apparaît. Alors moi, c'est ça le lieu de mon... Et pourtant, son gouvernement n'est pas tellement libéral. On ne peut pas le dire, le qualifier d'ainsi. Ah oui, vous avez raison, je sais... Oubliez de dire, le libéral, qu'est-ce que c'est qui est nouveau là, par rapport à notre pays, par rapport à la France? C'est vraiment que dans son discours, je ne sais pas du tout quels vont être les faits, parce qu'on est en France, la France est un pays colbertiste, un pays qui a d'autres... Même après, la structure de gouvernabilité fait que ce n'est pas si facile que ça d'aller dans le sens du discours, qui était le discours très affiché quand même du point de vue... moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que la France rentre dans le club, rentrerait dans le club. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en même temps que je constate en me disant, ben pourquoi pas, dans le club de ces pays qui ont on peut dire dégage beaucoup plus fort à un libéralisme économique, quand même. C'est quand même ça l'idée de base. Bon, tu me diras, c'est pas ça. Les premiers actes du gouvernement, c'est pas sûr que ça va être ça, mais bon. Et d'autre côté, un certain autoritarisme politique. Et ça, je pense que cette fermeture des frontières très forte, les droits de l'homme, et ils passent vraiment au second plan. C'est quand même, c'est la sécurité, c'est un discours de la sécurité, c'est pas un discours du libéralisme politique. Ça, c'est certain. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on a un libéralisme dont le cœur n'est plus le libéralisme, les libertés politiques. Laisser faire, laisser aller. Voilà. Le cœur, c'est un libéralisme économique avec un discours politique de la sécurité. Mais a-t-on vraiment le choix, Olivier Abel? Est-ce que finalement, dans cette société atomisée qu'on décrivait tout à l'heure, est-ce que la seule solution n'est pas justement d'avoir un pouvoir fort autoritaire pour pouvoir gouverner réellement? Oui, mais c'est pas un pouvoir très fort. C'est un pouvoir qui n'est fort que sur la sécurité. Il n'est capable que de ce qu'on lui demande uniquement, c'est de garantir la sécurité. Mais la sécurité, pas du tout la sécurité sociale. On a bien compris. C'est uniquement la sécurité, on pourrait dire physique, de l'intégrité du territoire, la police dans les rues ou dans les quartiers. C'est quand même un nouveau. Je pense que là, il y a quelque chose de. Et comme on sait que c'est quelque chose qui, par ailleurs, c'est un alliage qui semble très solide. On est en Chine, en Russie aujourd'hui, en Turquie. Depuis longtemps, la France, je dirais, se normalise. Elle devient un pays un peu plus comme les autres, qui ont ce mélange de libéralisme, de capitalisme de côté et de d'État réduit, on peut dire, à des fonctions, on pourrait dire, de sécurité au sens régalienne du terme. Et ça, c'est quelque chose, je crois, il faut qu'on y soit vigilant quand même. Jean-François Colosimo. Olivier Abel, est-ce qu'au fond, aussi, ce vent libéral, ce n'est pas tout simplement... Phénomène nouveau en France, la déculpabilisation de l'argent et de la réussite. Est-ce qu'on en est là en France aujourd'hui? Oui, bah c'est. Je pense que ça se fait peut-être dans la mondialisation, dans l'uniformisation des modes de vie, etc. On dirait par cran, les cultures, on pourrait dire, en viennent toutes à peu près à la même chose. Et donc là, il y a un cran de plus qui a été franchi dans cette direction-là. Mais mai 68, d'ailleurs, avait été un des grands crans. En ce sens-là, d'une manière, Sarkozy, probablement, continue dans la même ligne que mai 68. C'est-à-dire, de la déculpabilisation, de la décomplexe, il faut décomplexer les choses en général. Mais est-ce qu'on va pas un peu trop vite là? Parce qu'on vient de passer une période électorale où il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de choses. On a vu effectivement le corps électoral bouger, mais il y a 2 mois, 3 mois, on disait tout à fait l'inverse par rapport par exemple au référendum sur l'Europe il y a un an et demi. On disait que la France était un des pays les plus rétifs à la mondialisation. On a refusé l'Union européenne, enfin la Constitution sur ces questions libérales. La France n'a pas complètement changé. On se lamentait sur le manque de souplesse du pays, le refus de l'argent. On est réfugié. Est-ce que c'est le catholicisme côté rural? Enfin, on a passé son temps à écrire nous-mêmes dans nos journaux, des choses comme ça. Ça n'a pas changé du jour au lendemain, quand même. Non seulement ça n'a pas changé, mais je pense qu'il y a là une un discours qu'il faut, je dirais presque une bannière qu'il faut relever de la boue où elle est actuellement, et il faut la redresser, on peut dire, dans le monde aujourd'hui. La France a à dire quelque chose qui n'est pas de la morale. Moi, je suis très très sensible à ce côté arrogant de la France dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, la France a une manière d'être diplomatique qui est perpétuellement arrogante, etc. Mais il n'empêche qu'il y a cette arrogance, je dirais, ce moralisme, cette espèce un peu, on pourrait dire, un tout petit peu ramené à plus de modestie, à la petite place de la France dans le monde d'aujourd'hui, être moins nombriliste, être plus avec les autres, etc. Il y a quand même quelque chose à quoi les Français sont sensibles, parce que d'une certaine manière, ils sont passés par des choses où, par lesquelles d'autres sociétés ne sont pas passées aussi, je dirais, par certains côtés, par certaines évolutions. C'est vrai, moi je crois que la société de consommation à tout craint, on n'y croit plus tellement en France. De fait, on n'y croit plus tellement, on a d'autres intérêts. Je pense que peut-être que en France, il y a quelque chose justement comme un certain... c'est pas la tradition française, le libéralisme politique, mais peut-être qu'il faut essayer de repenser la tradition des droits de l'homme, la tradition des libertés, etc., et refaire un discours très fort là-dessus, et que là, il y a un discours fort à tenir. Et par ailleurs, face à une économie mondialisée, je dirais, des échanges mondiaux sans cloison, sans entrave, etc., un discours, d'une certaine manière, écologiquement, mais aussi économiquement un peu plus responsable, qu'on n'ait pas des irrationalités économiques avec... on va ramener des choses, on écrase des productions locales dans une sorte de... avec, je pense, les évolutions des prix du transport, on va vers des nouveaux, on va vers un profond éboulement de toute façon de cette économie mondialisée. Donc, je pense que il faut que la France n'ait pas peur d'avoir un autre discours de rechange, si je puis dire. Une voix différente. Une voix différente. Olivier Abel, vous restez avec nous. On écoute tout de suite Stéphane Escher. On se retrouve juste après. Radio Notre-Dame. Sur une chaise, les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière et qu'attend. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Elle soudain me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin si je le permets. Déjeuner en paix. Oh, déjeuner. Stéphane Eicher, Déjeuner en paix. Nous sommes avec Olivier Abel, philosophe, pour parler de notre actualité politique d'une manière un peu différente, différente aussi, et cette ambition française, peut-être plus modeste, dont nous parlions juste avant Stéphane Eicher. Alors, Olivier Abel, justement, votre discours, vous avez publié récemment un article dans l'hebdomadaire Réforme, ici représenté par Jean-Luc Mouton, dans lequel vous souhaitiez que la France, qui avait été une puissance dominante au XVIIIe siècle, et puis ensuite a cédé la place à la Grande-Bretagne, au XIXe, aux États-Unis, au XXe, votre conclusion était qu'aujourd'hui, la France, eh bien, devait se contenter peut-être de décliner résolument, délibérément, plutôt que de s'épuiser à se maintenir dans une course où nous ne sommes plus, je vous cite, hein, où notre cœur n'est plus. Cet article avait été assez discuté, on peut le dire. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui votre la position que vous défendiez alors? Oui, tout à fait, mais c'est pas tellement. J'ai vu à certaines réponses qu'on pensait que j'étais pour la décroissance dans un sens. Alors, je ne connais pas très bien la décroissance. Je veux pas ni rejeter ni. Moi, ce que je voulais dire, c'était plus. C'est assez philosophique. En fait, je partais de Nietzsche. Nietzsche a une catégorie du déclin. Décliner. Il y a un moment où le soleil décline. Ça fait partie de son. Et un soleil qui est en train de descendre et qui voudrait ne pas décliner. Bon, ben c'est une contradiction. C'est pas possible. À un moment, il faut décliner. Il y a dans la vie d'une personne, il y a un moment où il faut accepter de décliner. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la joie aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne décline jamais, il est en train de pourrir sa propre joie. Il s'accroche, c'est atroce. Et nous sommes en train de décliner. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, comme le dit Ricoeur, toutes les vagues ne montent pas au même temps sur toutes les plages de l'histoire d'un peuple. Il peut y avoir plusieurs vagues. Il y a une vague de puissance économico-militaire, mais il y a peut-être d'autres vagues. On peut avoir un pays qui est à un moment donné très très très puissant, très fécond sur le plan de la culture et pas du tout sur le plan de l'économie ou sur le plan de la politique. On n'est pas obligé d'avoir tout en même temps. Et d'ailleurs, ça n'existe pas tout en même temps. C'est pas comme ça. Il y a des décalages entre les vagues dans l'histoire. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui est le plus important pour moi, c'est que je pense que la croissance, là, je le prends pas tellement comme une catégorie économique. Je le prends presque comme un mythe. Nous vivons depuis plusieurs siècles, depuis peut-être déjà même plusieurs millénaires, si on considère que la croissance est liée au monothéisme tout entier, comme un schème, on peut dire, de progrès, un schème de... Il y a une histoire du salut, il y a une histoire du progrès, il y a une histoire du développement. Ce vieux schème du progrès, il est ancien. Il est biblique, il est bon. Mais avec la réforme, avec la modernité, avec Descartes, hein, on a donné un coup d'accélérateur à ce thème de la croissance, et je pense que ce thème est devenu fou, est devenu notre religion. Et il nous faut la déconstruire parce qu'elle est en train, comme une voiture lancée de plus en plus vite sans frein, de nous entraîner vers des catastrophes. Il faut la déconstruire parce que je pense que nous avons une peur panique derrière de la mort, du vide sidéral, de la poussière morte, inerte, de l'inerte. Nous croyons aujourd'hui, autrefois, les anciens, les Grecs, les Hébreux, croyaient à la vie. Il y avait la vie, puis au milieu, il y avait un mystère, c'était la mort. Aujourd'hui, nous croyons il y a la mort, et au milieu, il y a un petit mystère, c'est la vie, qui est très fragile. On a changé complètement d'image du monde. Et du coup, il nous faut de la croissance de la vie, il faut que la vie croisse, il faut tout le temps qu'elle... Parce que sinon, elle est menacée par la mort. Et là, je dis, il ne faut pas exagérer. Il y a une idolatrie de la vie. Voilà, il y a une idolatrie de la vie, exactement. Jean-François Colosimo. On lui demande de revenir à l'idolatrie de la vie, pardonnez-moi, mais bon, évidemment, vous dites, laissons-nous aller à la pente, n'est-ce pas? Ce qui est quand même le contraire, le contraire de toute posture politique. Non, non. Je crois que au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique latine, il y a des tas de gens qui n'ont aucune envie que la France décline. Parce que quand la France ne décline pas, c'est la France qui dit non à un impérialisme, à une façon de voir le monde, à une mondialisation, à une globalisation impérieuse, qui les assassine, qui les tue, qui les déporte, qui les jette sur les routes, etc. Et cette France-là, excusez-moi, si elle décline, eh bien, il n'y aura personne pour la remplacer. Mmh. Mmh. Réponse de Olivier Abel. Oui, donc moi je pense que ce que vous décrivez là, c'est justement cette autre vague. La France maintenant, il faut qu'elle passe à une deuxième. Mais elle l'a fait depuis longtemps. Elle a un autre rayonnement à avoir que de vouloir rester à tout prix dans la course au top niveau des meilleurs dans le marché. Ou alors, mais justement, le problème, c'est que on n'a qu'une seule échelle de la puissance. On a l'échelle de la puissance en termes financiers, en termes de marché. Il y a peut-être d'autres échelles de la la puissance, d'autres échelles du rayonnement, d'autres échelles de l'existence, dans l'existence. Et pour autant, Olivier Abel, est-ce que cette puissance économique n'est pas l'instrument d'une autre puissance? Bien sûr, je ne veux pas non plus dire qu'il faut s'aborder tous les instruments économiques, tous les moyens d'existence économique. Ce que je veux juste dire, c'est que il ne faut pas le mettre en tête de syntaxe. Et c'est peut-être en faisant autre chose qu'on va retrouver notre confiance économique. Nous avons perdu notre confiance dans le travail. Nous avons, et là, je pense que Sarkozy a raison, mais c'est pas seulement Sarkozy, c'est un mouvement général en ce moment. On le sent aussi à gauche, dans lequel il faut revaloriser le travail quand même. Redonner un sens au travail, redonner une valeur au travail. Mais aujourd'hui, on n'y croit pas tellement parce que le travail, il est entièrement happé dans le petit job vite pour la survie économique, dans la compétition économique. Non, c'est autre chose. Il faut réélargir un petit peu tout ça. Alors la question qui a été posée aussi, c'est à quelle échelle peut-on agir pour redonner du sens au travail, notamment. Nicolas Sarkozy était hier à Bruxelles pour préciser ses intentions sur l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont dit non en 2005 à l'Europe, est-ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, ils se réveillent avec un président qui relance la chose, qui relance la France en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Il peut y avoir un décalage entre un discours, on pourrait dire, altermondialiste, anti-européen, qui existe. Là, je ne parle pas du discours, on pourrait dire, simplement de nationaliste à la Villiers. Il n'empêche, moi je crois que foncièrement que là il faut absolument rendre que la France rentre beaucoup plus modestement, joue le jeu avec fair play dans le jeu européen. La seule chose qui m'inquiète là, c'est que c'est le report à l'échelle européenne des logiques de sécurité, c'est-à-dire en fait en gros des logiques de frontières. C'est-à-dire, donc l'Europe, une Europe qui en train de faire sur son territoire ce que font les États-Unis de l'autre côté, mais ce que font d'autres, cette espèce de frontières absolument fermées. Je vous donne juste un exemple. Il y a la semaine dernière, j'étais en Italie pour une rencontre de doyens de toutes sortes de facultés protestantes francophones. Donc il y avait beaucoup d'Africains. Et bien sûr, 15 qui étions réunis, il y en a 6 qui n'ont pas pu venir pour des raisons de visa, alors que tout le dossier était impeccable. Ce sont des recteurs d'université, des doyens d'université, ils ne peuvent pas, les gens ne peuvent plus, les gens du au meilleur niveau qui ont leur famille, qui ont leur travail ailleurs, ne peuvent plus rentrer dans nos territoires. Il faut qu'on le sente. Il faut qu'on sente qu'on est en train de faire au monde. Nous, quand même. Et il y a une sorte de, moi, ce que je trouve très, très, très scandaleux, c'est la manière de sous-traiter le problème de la sécurité des frontières à des zones bourrelées en bordure de l'Europe. Alors, le Maroc, la Turquie, les ex-pays de l'Est qui sont en train de devenir des pays autoritaires mais qui font tampon et qui eux sont chargés, on peut dire, de garder, de retenir les flux pour que l'Europe... C'est le limès ou la frontière de l'Empire. Exactement, c'est la nouvelle frontière. Ça, je trouve ça absolument scandaleux parce qu'en fait, nous sommes démocratiques à l'intérieur mais nous sommes ultra non démocratiques à l'extérieur et plus aucune vis-à-vis liberté. Vis-à-vis de l'extérieur. Jean-François Colson. Sur la question de l'Europe, vous connaissez bien la Turquie. Oui. C'est un pays que vous êtes rendu plusieurs fois, etc., que vous fréquentez. Vous pensez quoi de la position de l'actuel président de la République? Sur la vision de la Turquie et l'Europe. Je pense qu'il fait le... Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je pense qu'il fait le constat de ce qui est en train de se passer de toute façon. C'est-à-dire la Turquie est en train de... La Turquie était beaucoup plus proche de l'Europe il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Elle a été pendant toute l'époque de la guerre froide un des bastions, si je peux dire, du monde occidental, même à l'époque où la Grèce des colonels, la Turquie. Et peu à peu, je dirais, la Turquie, coup d'État, et les coups d'État, il faut pas. Si l'armée fait un coup d'État à la face aux islamistes, hein, ben ça sera encore dans une optique européaniste ou otaniste. Il faut protéger l'Europe. C'est un pays qui a choisi l'alphabet latin il y a 80 ans. C'est un pays qui a voulu adhérer à l'Europe et qui s'éloigne. Et je pense que là, maintenant, je pense que c'est à peu près irrattrapable. Je pense maintenant que l'opinion turque, qui a été tellement pro-européenne pendant très longtemps, et bien sûr toute la bourgeoisie, maintenant c'est le paysanat, maintenant la bourgeoisie des villes en Turquie n'est plus et de moins en moins pro-européenne, et elle se renferme sur un laïcisme nationaliste. C'est ça le danger en Turquie qui se prépare, et les classes rurales musulmanes sont encore un peu pro-européennes parce qu'elles pensent que l'Europe serait plus réellement sécularisée, plus démocratique. mais elles aussi, elles vont finir par basculer dans le nationalisme. On va vers ça, et je pense qu'on va vers une situation en miroir, un nationalisme européen, une sorte de néo-nationalisme, à vrai dire chrétien, hein, c'est un club chrétien, il faut quand même le dire, c'est quand même ça qui se prépare, c'est à ça que Jacques Delors réagissait, lui qui au début était absolument contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe, comme Michel Rocard, comme beaucoup d'autres, en étudiant les dossiers, en étant en responsabilité, a dit mais c'est grave ce qui est en train de se préparer quand même, c'est un club fermé, et je pense que ça durcit le conflit de ce qu'on a appelé malheureusement le conflit des civilisations, ça le durcit, il fallait compliquer, il faut brouiller la carte aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce que il y a quand même une force, une poussée islamiste en Turquie, est-ce que c'est n'est pas le signe que cette greffe laïque dont vous parlez dans un article n'a pas pris en Turquie? Non, c'est absolument le contraire. Le parti islamiste est un parti beaucoup plus laïque que le camp laïque en Turquie. Le camp laïque en Turquie, c'est un laïcisme d'État décrété, c'est une sorte de religion officielle, c'est le turquisme, si vous voulez, qui n'est pas laïque. En fait, il y a un ministère, ils ont leurs fonctionnaires religieux, c'est le sunnisme officiel, et il y a beaucoup plus de sécularisation dans ces mouvements musulmans qui échappent à l'État, qui sont beaucoup plus pluralistes que dans la situation, je dirais, de l'islam officiel d'État, qui est un appareil idéologique d'État payé par les impôts de tous les Turcs. La situation de la laïcité en Turquie est une tartufferie. C'est un scandale. Les Européens ne sont pas au courant. C'est un scandale. C'est absolument... Il n'y a pas un l'once d'une sécularisation en Turquie. Les églises chrétiennes sont sans cesse persécutées. Et les islamistes seraient beaucoup plus, je pense, disposés à rentrer dans un jeu démocratique et pluraliste en Turquie que les partis nationalistes laïcistes. Ça, on ne le comprend pas, je crois. Mais ça c'est tout à fait étonnant. Ce que explique Olivier Abel, justement, il y a eu dernièrement, moi j'ai reçu pas mal de choses, je vais publier un texte la semaine prochaine de ces trois personnes évangéliques qui distribuent des Bibles en Turquie qui ont été tuées. Et on accuse les partis islamistes de les avoir liquidés. Est-ce que c'est une manipulation? Comment vous voyez cette affaire-là? Non, mais il faut voir que dans la tête des gens, il y a aussi des salades. C'est certain qu'il y a des Turcs qui sont islamistes et nationalistes, c'est évident. Hein, je ne veux pas croire que ce soit si simple que ça. Hein, surtout les jeunes excités, les jeunes des banlieues, déshérités, etc. Ils sont prêts à n'importe quoi, ils comprennent rien. Ils sont perdus complètement. Là, je parle on peut dire des grandes masses. Le parti au pouvoir, Erdogan, etc., est un parti qui n'a aucun intérêt à l'assassinat de notre ami arménien, qui était un protestant d'ailleurs, évangélique. Aucun intérêt. Au contraire, pour lui, c'était des intellectuels arméniens, des intellectuels grecs qui rentrent ça fait partie de du processus qu'il souhaite. Hein, il faut le sentir. Alors, c'est qui agite ça? D'abord, il faut pas sous-estimer la force j'aime pas du tout les théories du complot, hein, mais c'est vrai que il y a une extrême droite fasciste, alors ultra-islamiste, mais pas du tout sur la ligne du gouvernement actuel, hein, et qui, eux, sont des gens ultra dangereux. Et ça existe. Jean-François Colosimo. Non, juste une remarque, je veux d'abord dire que toute la description que nous fait Olivier Abel me semble très vraie. Le patriarche de Constantinople, le patriarche œcuménique, aujourd'hui, souffre de l'État. Il ne souffre pas des islamistes. Et lorsqu'il se rend dans le fin fond de la Turquie, s'il y a un maire islamiste, le maire ouvre l'église et lui demande de célébrer. Ce qui lui est à peu près impossible de faire lorsqu'il s'agit d'un maire laïciste, jacobin, occidentalisé, etc. N'est-ce pas? Donc, mais moi, j'aurais quand même, après ces bonnes remarques de Olivier Abel, lui poser une question beaucoup plus frontale. Métaphysiquement, on en est où là? Parce qu'on a quand même parlé beaucoup de politique, de choses qui vont, qui viennent, etc. Mais ce peuple français, je dirais, comment vous le sentez? Il va bien, il va mal, il est en prise au démon, il aspire à la liberté, et surtout peut-être sur sa relation au mal. Est-ce que sa relation au mal a changé? C'est un peuple qui dit non à l'Europe, un peuple qui dit non aux banlieues, un peuple qui a peur, un peuple qui réclame l'autorité. Est-ce que vous pouvez commenter un peu là-dessus? Oui, le peuple français est un peuple qui s'aime enthousiaste, je disais tout à l'heure, et donc ça va bien avec son rousseauisme, que moi d'ailleurs je distingue philosophiquement. C'est Rousseau est beaucoup plus sombre que ça, hein, mais enfin bon, je ferme cette parenthèse philosophique sur Rousseau. Il y a un rousseauisme français, une sorte d'imaginaire de la bonté, de la les fêtes de la fraternité, on va tout partager, on va tout repartager, etc. Et quand ça marche pas, on découvre que l'homme n'est pas si bon que ça, eh bien on est absolument démoralisé, on perd de confiance. Or c'est ça qu'on est en train de découvrir, et là je pense que métaphysiquement on peut dire on découvre que l'homme il est méchant. l'humain, il est méchant. Il est capable d'être méchant. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est des animaux dangereux, qu'on est des animaux capables de faire du mal. Comme disait Bayle, comme disait Pierre Bayle, l'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. Donc là, le paradigme libéral un petit peu optimiste dont je parlais tout à l'heure, c'est justement, si chacun fait cherche son bien, ça va faire du bien à tout le monde. C'est encore un optimisme, c'est presque rousseauiste encore. Là maintenant, on est en train de mesurer que l'homme, qu'on est capable de se faire du mal à soi-même, qu'on est capable de bousiller sa propre vie par vengeance, par rancœur, par rancune, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir. Je pense que ça nous démoralise profondément parce que, justement, il y avait une sorte de mythe français, on peut dire de la bonté humaine, de l'optimisme, il y a du progrès, on va vers du bien, on va vers du meilleur, et on n'y croit plus actuellement. Alors justement, dans le discours Jean-Luc politique, Bouton. Ce qu'on a entendu beaucoup de la part de Nicolas Sarkozy, c'est justement ce que le mal, il prend la figure de quelques catégories, de certains jeunes, de certaines déviantes, de certaines voyous, enfin je ne sais pas comment on les appelle, et donc le mal serait limité dans certaines personnes, et vous dites, dans les racailles ou d'autres, vous dites à peu près l'inverse, que le mal est dans chacun d'entre nous, et ça on ne veut pas le voir. Oui, c'est ça qu'il faut accepter. Je pense qu'il y a un moment où on ne sortira de cette espèce de course à la sécurité, les 4x4, et même un 4x4 qui rencontre une petite voiture, il écrabouille. Donc plus on cherche de la sécurité, et plus on crée de l'insécurité. C'est ça la logique, c'est la métaphore de l'opposition. On crée du... Et donc, si on pense à une sécurité totale, on est dans l'insécurité totale, parce qu'on n'y arrivera jamais à une sécurité parfaite. Il y a un moment où il faut que ce soit de la confiance. Donc, autant, c'est ça mon discours sur Sarkozy et sur la nouvelle donne, autant, il y a quelque chose comme si c'est pour redistribuer, redonner, faire une nouvelle donne justement de confiance, repartager la confiance, d'accord. Et je dirais aussi dans le respect des lois. Il ne faut pas, je veux pas trop vite aller vers, je rentre dans la résistance, dans la dénonciation, dans les lois, on est dans une sorte de concept, perception vichiste ou même pire. Enfin, il faut garder, on ne peut pas exagérer, il ne faut pas. Bon. Donc, la confiance, d'abord confiance, on fait crédit, on est dedans, on est avec. Bon. Et en même temps, attention, cette confiance, justement, il faut qu'il y ait de la confiance pour soulager la demande effrayante de sécurité dans laquelle on est. Dans la mesure où la sécurité sociale, de toute façon, est en train d'exploser, la sécurité se réduit à faire quelques petites têtes d'insécurité visible. Sur laquelle qui vont être les boucs émissaires, et donc il faut absolument casser ce discours, parce que ce discours lui-même crée une perpétuelle insécurité. Olivier Abel, on s'interrompt quelques instants, pardon de vous couper, Jean-Luc, on se retrouve dans un instant. Radio Notre-Dame. Free for your eyes only, only for you, the love I know China Easton, For Your Eyes Only. Nous sommes toujours avec Jean-Luc Mouton et Jean-François Colosimo en compagnie d'Olivier Abel, qui est professeur de philosophie éthique à la Faculté libre de théologie protestante de Paris. Et nous parlions à l'instant de la confiance nécessaire à rétablir dans notre pays. Alors, la question qui se pose aussi, c'est avec un président tel que Nicolas Sarkozy, qui est à la fois très séduisant et en même temps qui produit aussi beaucoup de ce clivage dont vous parliez, est-ce que il est à même, selon vous, de rétablir cette confiance? Écoutez, moi, c'est voilà, moi, il faut faire crédit. Moi, je crois qu'il faut d'abord faire crédit. Il faut d'abord dire, il faut cesser de se décourager sans cesse les uns les autres. Justement, c'est la situation est trop vulnérable, trop fragile à l'échelle mondiale, à l'échelle sociale et dans notre pays pour qu'on puisse facilement, j'allais dire, on pourrait dire jeter les choses comme ça, jeter le soupçon et jeter encore du. Ceci dit, je pense que un des critères de la véritable confiance en soi, c'est la faculté d'autocritique. Et je pense qu'il faut que la France soit capable de se dire, elle aura accédé à cette maturité de la confiance lorsque justement la confiance en soi, c'est aussi la confiance en l'autre, et la confiance en l'autre, c'est aussi la faculté de critiquer l'autre amicalement et de se critiquer soi-même ou d'accepter des critiques que d'autres vous font. Et je pense que cette faculté d'autocritique actuellement, elle n'est pas très très très très forte dans le parti qui vient d'arriver au pouvoir. J'ai un sentiment là, moi j'ai un petit sentiment de triomphe, de triomphalisme, un petit peu comme en 89. Ça y est, on est dans un nouvel ordre mondial, c'est merveilleux, tout va changer. J'ai envie de dire, attendez doucement, il faut être un peu plus prudent parce que justement, on va tomber de haut de cette espèce de grand enthousiasme triomphal. Ça y est, c'est bon, on va tout changer, tout va bien. Et après, l'espèce de gauchement de grogne et de déception qui fait tellement de mal à cette France, déjà tellement plaintive. Ça, c'est ennuyeux, cette France qui se plaint tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas de tristesse, de malheur, etc. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens pour qui ça va, en gros, ça va quand même pas si mal que ça, quoi. Il faut aussi un peu de gratitude. Il y a un manque. Et ça, c'est peut-être aussi une deuxième chose qui manque, qu'il faudrait mettre. Et ça, c'est peut-être le discours, je sais pas si c'est protestant, mais un petit peu de sentir un peu de la grâce. Il n'y a pas que le mérite. Il y a beaucoup de gens qui, justement, pour avoir de la gratitude, il faut sentir d'abord tout ce qu'on a reçu, déjà. Et tout ce qu'on a reçu de naissance, tout ce qu'on a reçu de... Les gens qui, au concours de l'ENA ou au concours des grandes écoles, ont été pris 30e alors qu'il y avait 32 places, ils ne sont pas forcément absolument meilleurs que les 35e et les 36e. Ils ont juste eu de la chance, c'est tout. Et on mettrait une petite dose de chance, de hasard, la loterie, ce que faisaient les Grecs, hein, ce qu'on a aussi dans... De providence, dans le texte biblique, oui, c'est un terme chrétien. Un peu de hasard. Et voilà, on accepte que voilà, on a eu de la chance, c'est tout. On a juste de la chance. Et il faut accepter la part de chance que l'on a pour justement sentir qu'on n'en est pas, que c'est pas un mérite. Et il y a tellement de gens pour qui ils méritent ce qu'ils ont, c'est un droit, et je le mérite, mais non. Il faut quand même ébranler cette bonne conscience-là. L'inverse dans la société française, c'est qu'il est très marquant ce thème de l'égalité quand même. Il faut qu'aucune tête dépasse, il faut que tout le monde soit... L'égalité des chances, c'est une chose, mais en France, on va beaucoup plus loin. On veut l'égalité absolue. On veut quand quelqu'un est mis en avant et valorisé parce qu'il a eu de la chance, c'est très mal. Enfin, c'est mal vu. C'est l'incarnation d'une injustice. Oui. Mais le problème, c'est que justement, il y a une sorte d'écart de plus en plus terrible entre des droits de principe que tout le monde aurait. Et puis les gens n'ont pas la capacité de réellement de déployer, de réaliser les droits qu'ils se donnent. Il y a une inadéquation, excusez-moi, un décalage entre mon droit, ce à quoi j'ai droit, ce à quoi je pourrais avoir accès, ce à quoi j'ai droit d'avoir accès par égalité, par principe d'égalité, et ce que je fais réellement, et qui crée une société de ressentiment. Et j'ai très peur de cette société de ressentiment. Et là, peut-être qu'il faut changer cette conception du droit. Même au cœur du libéralisme politique que j'appelais tout à l'heure de mes voeux, il faut peut-être dire, comme disait Pasolini, sont adorables les êtres qui ne savent pas qu'ils ont des droits. Hein? Ou sont aussi adorables des gens qui savent qu'ils ont des droits et qui ne les revendiquent pas. Je crois que Pasolini a mis le doigt sur quelque chose de très important. Nous avons une conception égotiste du droit. Et là, il faut absolument redonner au droit un sens radical, un sens fort, un sens éthique fort. Jean-François Colosimo. Il faut en formuler le vœu. Cela dit, pour revenir à votre notion de mérite, de grâce, qui ne sont pas quand même sans consonance théologique, on a vu qu'il y a un monde juif qui a été largement transformé par l'apport des juifs séfarades à partir des années 60, et dont on pense aujourd'hui que globalement, c'est l'analyse qui est faite par les sondeurs, c'est un monde qui s'est largement déporté vers la droite, alors c'est plutôt un monde progressiste au départ. Le monde protestant aussi connaît une ébullition incroyable. Ce vieux monde protestant, policé, cévenol, alsacien, chrétiens d'un coup laissent la place à des évangéliques qui viennent des banlieues, qui aussi ont un programme politique, c'est là où je veux en venir surtout, un programme politique qui est un peu à rebours aussi du protestant, du progressisme tempéré auquel nous avait accoutumé la bonne société protestante française. Alors, oui, puis même cette bonne société protestante française elle-même, elle est peut-être en train, quelque part doucement, il ne faut pas non plus exagérer, de se droitiser. Alors d'abord, il y a le conservatisme, il y a un moment où, dans la logique même de la gauche, il y a des valeurs de conservation qui sont en train d'apparaître. On ne croit plus au progressisme si facilement, et les protestants, ça fait longtemps qu'ils mettent en doute le mythe du progrès, Jacques Ellul et tant d'autres. Donc il y a une évolution, et aussi une évolution due au fait, sans doute, que le protestantisme français a été, qui était longtemps sociologiquement un partenaire de la gauche. Il faut regarder les départements, enfin le vote, bon, c'était un critère. Eh bien, en fait, ils n'ont jamais été soutenus par la gauche. Et la gauche au pouvoir, moi je peux le dire, pour plein de demandes qu'on a pu faire, de toute façon, on ne nous a jamais écoutés, on ne nous demande jamais rien, c'est clair. Et je pense que c'est les partis de droite au pouvoir qui ont toujours écouté les religions, en gros, et pas les partis de gauche. Mais les partis de gauche se méfient de la religion, en fait. Ben une espèce de méfiance. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont coupés, ça aussi, je crois, une analyse de ce qui s'est passé dans ces élections, d'une partie de l'électorat, qu'il soit catholique, qu'il soit protestante, qui traditionnellement de gauche, et qui finalement sont déçus de le... Et alors, peut-être juifs, mais alors avec des évolutions sociologiques plus profondes. Alors maintenant, le protestantisme lui-même, c'est vrai, il y a un néo-protestantisme d'origine surtout africaine, finalement, aujourd'hui, ou asiatique, c'est des églises chinoises, avec une conception du politique complètement différente. On n'y comprend pas grand-chose. Il faut qu'on apprenne à faire avec ça. En gros, ce sont des églises qui sont des églises habituées à être dans des sociétés où il y a des sociétés en dehors de ce rapport à une tradition, à un état, à une histoire forte, etc. Et donc, c'est des églises qui, peut-être, on pourrait dire, manquent de tradition. Donc, il y a un problème, là, je dirais, de refaire des greffes sur les traditions plus anciennes, parce que justement, il y a un manque de rapport au temps durable. C'est très, très, très performant, mais aussi ça naît très vite, ça éclot très vite, mais ça meurt très vite aussi. C'est-à-dire que les vieilles églises protestantes, elles ont une durabilité, je pense, il ne faut pas la sous-estimer non plus, quand même. Et je pense que c'est la grève des deux qui pourrait donner une chance au protestantisme, et que leur séparation, elle est mortelle pour les deux côtés. Mais politiquement, ce sont des sociétés de réseau, ce sont des sociétés de... C'est pas des églises, au sens... ce ne sont plus des institutions. C'est ça qu'il y a en train d'apparaître, ce sont des petits réseaux qui sont plus ou moins éphémères, qui apparaissent et qui disparaissent. Et donc, on est dans un monde liquide, ça va avec la mondialisation. Dans un monde liquide, il n'y a plus rien de solide. Nous vivons encore dans le protestantisme français, c'est un protestantisme latin. Un orthodoxe le sent bien, qu'on est, les protestants français sont vraiment des latins. On est liés à une tradition latine, romaine, d'une certaine manière encore. Etc. Et donc, par certains côtés, on est plus proche des catholiques que de certains néo-protestantismes qu'on ne comprend pas. Et pourtant, il faut faire avec ce nouveau monde. Question d'un orthodoxe, Jean-François Colasimo. Alors, est-ce qu'on verra demain en France, face à une politique devenue très pragmatique, des protestants ayant oublié leur passé, des catholiques ayant oublié leur passé, des orthodoxes ayant oublié leur passé, quel tableau, s'unir sur une sorte d'œcuménisme minimal qui sera, je sais pas, la marche pour la vie, le fait de ne pas voter pour le candidat qui ne souscrit pas aux trois conditions, etc. Parce que sur les questions éthiques, il peut y avoir des rapprochements avec les évangéliques contre les catholiques. Est-ce qu'on va avoir une sorte de parti de chrétiens qui va émerger Quelle horreur. La question, commenter. Mon discours, là, c'est mon discours politique. Je crois qu'on rentre dans la politique, on rentre dans la morale en acceptant qu'on est capable du mal. On est capable du bien et du mal. On rentre dans la politique parce qu'on est des citoyens divisés en soi-même. On porte en nous des débats. J'ai en moi un conflit entre moi comme citoyen de Paris et moi comme citoyen de la France, ou moi comme citoyen de la France et moi comme citoyen européen. Je porte en moi des conflits politiques. Et puis, selon les registres sur lesquels je suis partagé. Et c'est pour cela que je suis un citoyen. Je suis un citoyen parce que je porte en moi un débat. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est justement des nouvelles figures, on pourrait dire, du grand consensus unanime, qu'il soit chrétien, quoi que ce soit, qui en quelque sorte élimine les débats. Alors là, on est simplement dans cette situation, je dirais, d'inintelligibilité générale. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien gouverner, parce que de toute façon, il n'y a plus rien d'intelligible. On est juste dans l'émotion d'être ensemble. Alors je pense que l'être ensemble, alors oui, on peut être ensemble dans l'horreur. on sera ensemble sous la bombe atomique. Là, on sera vraiment ensemble. Là, il n'y a vraiment plus aucune séparation entre nous, il n'y a plus aucune distance entre nous. Tant qu'il y a des différences entre nous, il faut qu'il y ait l'honneur du débat, parce qu'on n'est pas d'accord. Et c'est ça, la société humaine. C'est parce qu'il y a des désaccords fondamentaux, des désaccords, fondateurs pour la société. On n'est pas d'accord, et c'est pour ça qu'il y a une société, parce qu'il y a des différences. Vous dites souvent ce que dit Eric Coeur, c'est les dissensus. De dissensus. Voilà, la culture du débat, c'est ce qu'on essaye de faire ici, dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup, Olivier Abel, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le mariage a-t-il encore un avenir? C'est publié chez Bayard. Et puis, j'ajoute aussi qu'on peut retrouver cette émission sur les sites de nos trois médias respectifs. L'hebdomadaire Réforme, donc il y a un site internet, réforme.net, si je ne me trompe. www.réforme.net. Voilà, orthodoxie.com, et puis le site de Radio Notre-Dame.com. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été à notre écoute.